Prononciation, intonation, exercice 47. Marquez l'insistance. Écoutez. Mélanger l'associatif et le commercial, tu trouves ça normal? De toute façon, il faudra bien que les enfants achètent des cartables et des trousses à la rentrée. Répétez. Tu es sûr qu'il viendra? Mais oui, je t'assure. Tu crois qu'on va gagner? De toute façon, on n'a rien à perdre. Tu penses que ça va marcher? Mais bien évidemment.